je crois vraiment que le Manu, c'est un être tout complètement éthéré, c'est-à-dire non physique. C'est un concept totalement mental. Donc vous pensez que le Manu, c'est vraiment dans sa pensée philosophique, voilà, et que c'est tout un pantant. Le Manu n'a pas de frontières. Le Manu s'étend partout, dans tous les esprits. Chaque concept fait partie de Manu.